On va parler de NFL avec notre ami Tony Guzzo du site internet labitsnfl.com. Salut Tony. Salut Danny. Tony, on va commencer comme on fait avec l'actualité de la semaine. Hey, j'ai vu une nouvelle passer, j'ai pas été fouillé, mais as-tu entendu parler de ça que y a des gens à Washington qui espèrent garder le même nom? Hey, je sais pas, je croirais là. De pas avoir de nom Ouais, ou Washington Football Team, là. Regarde, on peut plus repasser, là. Tu sais, c'est vraiment une année bizarre. Hein? Les gens sont bizarres, puis, c'est ça. C'est ça tu que sais. je m'en allais dire, Dani. On est vraiment bizarre cette année. Ouais. Ben, Allons, gars. je dois être honnête, je n'ai pas entendu ça, mais le seul point que j'ai entendu, c'est qu'ils ne sont pas prêts à choisir vraiment un nom. Ça, je l'ai su parce que, justement, j'imagine pour un propriétaire, puis cette année, vu que la COVID, en termes de monétaire, ça risque de. Ça a frappé tout le monde, là. Donc, c'est sûr que le jour que tu vas trouver un nouveau nom, ben, tu sais, je veux dire, il y a tout un nouveau logo, il y a les nouvelles couleurs, tu sais, il y a tout l'équipement, puis tout ça, tout le développement, la recherche derrière tout ça. Donc, non, c'est une bonne, mais peut-être parce que ils ont eu une grosse victoire hier, puis ils sont Hey, rendus en premiers, passant, ils de sont grosse premiers. victoire. Moi, je suis découragé de ma prédiction. Faut pas trop que je le faut pas trop que je le dise, mais je vais le dire. Ça fait rire. Ça permet de faire rire de moi un peu. Puis si tu veux pas me dire, pas grand-chose. Je vais favoriser Cowboys et Dallas pour le Super Bowl. Ben, Puis le pire, c'est que c'était pas une mauvaise prédiction, là. non, t'étais pas tout seul, Danny. Il faut pas s'en faire, là. Non, c'était Je loin te d'être une dis, mauvaise prédiction pour le tour, là. non, c'était pas une mauvaise. Hey, Puis c'est, Mike McCarthy va carrément perdre sa réputation. ben oui, puis c'est la grosse, Quand, c'est hein? le gros sujet de discussion ce matin. On est enregistré le vendredi, nous Ouais. autres, là. Donc ce matin, c'est vraiment là, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est pas évident parce que il y a tout cet aspect-là, mais il y a la grosse remise en question, autant pour Mike McCarthy qui va peut-être perdre une réputation, mais je pense que les gens sont quand même. Ben, faut blâmer Jerry Jones, puis faut blâmer aussi Mike McCarthy parce que hier, là, c'était vraiment une mauvaise game. Ils ont vraiment pas bien coaché hier, là. Hier, c'était vraiment la faute au coach, là, la game, parce que. Veux pas, t'as aussi du talent sur le terrain. Tu peux pas perdre contre une équipe qui a pas de nom là, en réalité là. Mais c'est, mais Mike McCarthy là, on voit qu'en 2020, on a besoin d'un entraîneur qui non seulement il a une certaine connaissance des X et des O, mais c'est toute une question de relations humaines, comment de s'entourer avec ses entraîneurs et le fameux système. T'sais, on va en parler tantôt d'un des matchs à surveiller. Ça va être un système qui va être bien établi contre des systèmes qui sont en devenir ou qui doivent être mis en place, mais un système doit être accepté et engagé par toute l'organisation. Puis C'est ça parce que part de ça part, je Jerry. pense, que le coordonnateur à la défensive des Cowboys, Ted Nolan, n'est pas l'homme de Mike McCarthy au départ. Non, mais il y a Tu tout sais, ça, Danny, mais il y a ça commence mal. le fait de dire aussi, est-ce qu'il y avait une file d'attente pour devenir un entraîneur-chef à Dallas à cause de Jerry Jones? Tu sais, veux pas, il y a tout cet aspect-là qui fait que, tu sais, je veux dire, malheureusement, si tu t'en vas coacher à Dallas, tu n'auras pas le feu vert parce que ton propriétaire, il est aussi le directeur général, puis c'est lui qui t'amène les joueurs, puis c'est lui qui signe les Mais chèques, tu sais. rappelle-toi de George Steinbrenner, je sais pas si c'est un amateur de Ouais, baseball, ouais, ouais. les Yankees des années 80, et George Steinbrenner puis Jerry Jones, ça ressemblait pas mal. Steinbrenner était encore plus controversé, mais c'est sûr que Billy Martin, il l'a congédié, puis il l'a ramené, puis il l'a congédié, puis il l'a ramené à peu près 12 fois, là. Sauf Ouais. que diriger Yankees, c'était prestigieux, comme diriger Cowboys de Dallas, Mais mais... co corrige-moi, Danny, tu connais le baseball un peu plus que moi, là, malgré que j'ai déjà joué, mais je suis plus, là, Mais tu me mais suis dans ma embarque toi. conversation quand je compare Steinbrenner et Jerry Jones, là. Ouais, mais est-ce que moi j'ai l'impression que Steinbrenner connaît plus son baseball que Jerry Jones connaît son football. Ouais, peut-être, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, peut-être. Parce que Jerry Jones, dans ses décisions, tu sais, veut pas, il y a toujours. C'est parce que c'est pas évident. Peut-être au football, à cause, veux pas, au baseball, t'as pas de masse salariale, t'as pas de plafond salarial. Ouais, donc, il y a tout ce calcul-là. Parce que tu regardes les Cowboys, là, tu sais, je veux dire, il va falloir que tu payes Dak Prescott l'année prochaine si tu le veux. Tu donnes beaucoup d'argent à Zeke Elliott, à Mary Cooper, tout ce monde-là. Et hier, malheureusement, ça a été vraiment le coaching parce qu'il y a eu des jeux à quatrième essai et des poussières, comme ils disent à la télé. Ils n'ont pas donné le ballon à Zeke Elliott, qui est ton meilleur porteur, puis c'est lui qui va aller chercher une verge. Ils sont allés faire un jeu truqué qui a jamais marché. T'sais, donc, mais pour venir à Jerry Jones, tout ça, je pense que de plus en plus, il va falloir qu'il donne un peu plus de place à son fils, qu'il a de l'air plus football que lui. Parce que veut pas, c'est un DG, je trouve que les décisions, mais c'est vraiment un problème organisationnel qui se passe à Dallas. Puis comme j'ai dit tantôt, qui veut être dans la file d'attente pour devenir un coach là-bas à Dallas? Diriger les Cowboys de Dallas, c'est prestigieux, c'est comme les Yankees, je rappelle. Oui, mais tu sais, ça me fait penser aux Canadiens. Tu sais, je veux dire, oui, c'est prestigieux, mais t'es limité. T'auras jamais le meilleur. Tu sais, Est-ce que ça remonte l'estime de Jason Garrett automatiquement? Est-ce que Jason Garrett remonte son estime? Tu sais, on a souvent dit que le problème. Ben, pourquoi je les avais favorisés les Cowboys et Dallas sur le Super Bowl? Parce que Mike McCarthy, c'est un. Ouais. Avant cette année là. Ouais. Il y a un top ranking de tout, là. Il est dans mon top 10 des entraîneurs. Il peut même 9-10e. J'ai dit un bon entraîneur, il peut les conduire loin. Et ce gars-là est carrément en train de. Je vais te dire, Danny, ça prend un Jason Garrett qui est un player's coach des années 2020. Ouais. Des années 2000 ou même plus, les années 2020. Puis ça prend les connaissances de McCarthy. Ça prend un mélange des deux parce que McCarthy, là, a toujours eu des problèmes avec les joueurs. Elle regarde à la fin avec Rodgers, ça marchait pas, là. Puis regarde Rodgers aujourd'hui avec un jeune coach. Rodgers, les grandes vedettes, ont besoin d'amour. Tu sais, Tom Brady, en ce moment, il est inconstant. Parce que Bruce Arians a de la misère relationnellement, là, comme ça on dit. Ça fait un temps, là, tu vois. Tu sais, c'est une vieille époque, là, mais Jacques Demers est en amour avec Patrick Roy, puis... Mais au football, va te chercher un Super Bowl, puis tu vas avoir la paix pour une couple d'années, là, tu sais. Tu sais, ben, faut que tu le gagnes, le Super Bowl. Il est là l'affaire, fait qu'arrange-toi pour gagner le Super Bowl, puis après ça, tu verras, là. Non, c'est ça. Bon, mais c'est incroyable ce qui se passe à Dallas. Mais c'est pathétique. Dallas, c'est Michigan. Parce que moi, Michigan, c'est mon équipe dans l'NCAA. Oui. Ça se compare pas mal. Les gars, elle a gagné 48-42 contre Roger, quand dans les faits, il aurait dû gagner 63-0. Ouais. C'est pas mal décourageant. Ben, tu sais, Jim Harbaugh, mais le football universitaire est encore il y a encore plus de défis parce que tu gères un programme, tout se passe dans le recrutement. Fait que Jim Harbaugh, tu sais, on peut se poser la question, il a réussi à aller, il a pas bien réussi à aller chercher de grands joueurs pour jouer pour l'université. Depuis... Ouais. Bon, Revolt, c'est le site que Wallet m'a donné avant qu'il parte. Ouais. Ouais. C'est sûr que ça fait pas longtemps que je le connais, mais ce qu'on me dit, c'est que Michigan, année après année, sont bien classés dans le recrutement. Là. Mais c'est faire en sorte que le Jello poigne, c'est ça qui est. C'est bien dit. Ben, c'est le genre de relation que tu as besoin au niveau du coach parce que le contenu, Harbaugh, il l'a. Puis tu vois, c'est un peu ça à la fin, c'était des genres de relations qu'il y avait, c'est pas évident. On va sauter de Michigan, ça c'est évident. On va parler maintenant des matchs à surveiller dans la NFL, Hey, Baltimore-Pittsburgh, aux dernières nouvelles, il est 13h58 au moment où on enregistre ce podcast. Est-ce que le match aura lieu? Parce que là, je voyais Stéphane Cadorette sur Twitter, il disait de plus en plus, je pense pas que le match a lieu. Ben, en ce moment, le match, il a encore lieu. Il n'y a pas de nouvelles, mais c'est plus dans la colonne que... 50-50, mettons. Ouais, c'est ça. Mais ça s'enligne plus de ne pas avoir lieu. Mais en tout cas, Baltimore va avoir un dur coup si jamais il joue dimanche. Hey, avant de commencer, j'étais en train d'oublier un sujet que je voulais être avec toi. La blessure de Joe Burrow, là, j'en ai parlé avec eux cette semaine, puis je veux ton opinion là-dessus. Sais-tu, c'est carrément un avertissement à l'équipe qui va repêcher Trevor Lawrence. Quand tu as un joyau et tu as un corps de génération comme Lawrence, tu le protèges. Exact. Donc, tu vas chercher une bonne ligne à l'attaque et ainsi de suite. Mais ça a, ça a toujours été le débat, Danny. Les gens de football le savent qu'ils doivent le protéger, sauf que des joueurs de même, ils n'en passent pas tout le temps. Non, c'est générationnel. Exact. C'est pas Jamarcus Russell là, qui s'en vient. Là. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est vraiment dommage. C'est pour ça que puis en plus, c'est toute une question d'argent. Au prix que tu payes ton premier choix, faut que tu le fasses jouer aussi. C'est une des raisons pourquoi Miami a quand même bien réussi, parce qu'ils ont été capables d'aller chercher un bon corps arrière en Tua, mais ils l'ont réussi à l'avoir 5e, 6e. Ça a coûté moins cher. On va attendre quelques semaines pour le développer. Puis on en regarde aujourd'hui, ça commence à être de mieux en mieux. C'est des bonnes philosophies qui fait que faut faire attention que des fois... dans la terme de philosophie, il faut essayer de gagner les matchs et non tanker, comme on dit, ou tout perdre pour aller chercher le premier choix. Mais entre moi et toi, c'est une des raisons pourquoi Trevor Lawrence va y penser deux fois, même s'il veut aller chez les Jets, un exemple. Ça, avec les joueurs vont commencer à penser pour dire « Écoute, ça me tente peut-être pas aller là parce qu'il n'y a pas de ligne pour me protéger. » Parce que tu vois, Joe Burrow, là, il commencera peut-être même pas l'année prochaine, puis ça risque d'être une carrière... Exactement. Donc, c'est bien. Qui va revenir. Donc, c'est un message, pour Trevor Lawrence. On va y aller avec les matchs de la semaine. Écoute, je vois ça, là. C'est des très, très, très, très bons matchs. Oui. D'abord, on va commencer avec Arizona. Je ne suis pas partisan des Pats, mais... Non, c'est Baltimore-Pittsburgh que je voulais voir si le match a lieu. Au moment où on se passe, c'est 50-50. Gros match pour les Ravens. Je pense que les Steelers sont seuls dans la conférence américaine. Mais les Steelers ont une fiche parfaite, mais c'est plus ou moins... c'est plus ou moins convaincant les dernières semaines, est-ce que je me trompe? Non, t'as raison. Ça a toujours été ça, les Steelers, parce que ça dépend tout de comment Big Ben va réagir. Puis le jeu au sol, je te dirais, je pense que les Steelers sont contents d'avoir cette fiche-là. Entre moi et toi, je pense pas qu'ils visent la saison parfaite. Ils vont tout bien gérer ça pour gérer les bobos. Puis tout ça, mais c'est un match à surveiller, mais Danny, on ne sait même pas si le match va avoir lieu. Puis si le match va avoir lieu, on parle de Lamar Jackson, c'est sûr qu'il ne sera pas partant parce qu'il est affecté. Ses deux porteurs de ballon, Dobbins puis Ingram aussi, ils ont le COVID, donc ils ont 12 joueurs qui ont été testés, donc c'était peut-être le match où ce que les Steelers auraient pu perdre son premier match de la saison, mais je pense que malheureusement, les Ravens, ils seront RG3, Robert Griffin III va être le partant. Ça fait des années-lumière qu'il n'a pas connu un gros match, qu'il n'a pas vraiment joué. Donc, c'est vraiment les Ravens, c'est la grosse remise en question. Ça aussi, ça va être une organisation qui va se poser la question vis-à-vis Lamar Jackson. Donc, là, c'est officiel. Je vois dans mon champ de vision, là, NFL Network, là, Jackson, c'est sûr qu'il ne part pas dimanche. Mais moi, j'ai jamais cru en Lamar Jackson parce que c'est vraiment, malheureusement, c'est pas le corps arrière. C'est ça. Exactement. Les Steelers, en passant, sont vraiment fâchés avec cette situation-là parce que s'ils jouaient hier soir, il y avait une grande semaine de repos parce que ils ont perdu leur bye week. Malheureusement, un match qui était le match de la semaine qui est devenu pour moi le troisième match de la semaine s'il va avoir lieu. À 13h, le meilleur match, c'est Tennessee-Indianapolis. Ah oui, deux matchs. deux matchs pour la tête de la division. Les Colts ont battu les Titans en début de saison, ben, au mois de novembre, là, une couple de semaines, excusez, 34-17. Ils étaient revenus de l'arrière. Ils avaient connu une deuxième demi excellente. Les Colts ont réussi à battre. Ils ont réussi à battre les Packers la semaine dernière, donc surprenant. Mais c'est vraiment ça que Philip Rivers recherchait dans une équipe. Une excellente défensive qui ont les Colts. Son deuxième contre à la défense totale, il donne à peu près 298 verges par match. Puis son troisième contre la course. Donc, ils vont être capables d'arrêter Derrick Henry, parce que j'imagine. Gros match. Malheureusement, je sais pas pourquoi. À cause de la défensive qui vont être capables de déranger Henry, parce que les Titans ont besoin d'Henry dans leur attaque. Je pense que tu dois donner l'avantage aux Colts. OK. Également, à 13h également, il y a le match à 16h25, Kansas City contre les Buccaneers. Écoute, c'est un match que. C'est un match bizarre pour les Tom Brady, les Buccaneers. On ne sait plus vraiment à quoi penser. Hein? Oui, je suis d'accord avec toi parce que, justement, c'est ça que je disais, Brady est inconstant, puis en plus, ils ont de la misère à jouer contre des grosses équipes. Ouais. Fait que les fameuses 4 défaites, la semaine dernière, on a vu comme quoi Brady contre des grosses équipes, ils ont vraiment de la difficulté. Et c'est là que je voulais expliquer tantôt, on a un système bien établi à Kansas City avec Patrick Mahomes, Andy Reid, tout ça, contre une équipe qui est Tampa Bay, qui a tous les individus potentiels très forts, mais qui n'a pas, comme tu l'as très bien dit, Danny, le Jello n'a pas pogné. C'est Jean Lapierre qui dit ça. Non, mais je veux dire, tu l'as répété, oui. Le bon Jean Lapierre, là, qui, dommage, on ne peut plus le voir, là. Mais oui, c'est ça. Donc, le Jello ne prend pas. Le Jello prend pas, puis ça se fait pas en dedans de 2 semaines. Et la grosse question pour moi, ce match-là, j'ai hâte de le voir, est-ce que ça peut être le match du Super Bowl, Kansas City contre les Bucks? C'est à voir. Hugues, je sais pas si t'as pris une théorie d'Hugues. T'sais, Hugues, il disait que, puis je trouvais pas folle du tout sa comparaison. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une scission entre les Buccaneers, la gang à Brady et la gang à les Buccaneers. Pendant l'année ou à la fin de l'année? Pendant l'année. Je suis pas sûr que ça va tout marcher, ça va cliquer tout ensemble. Puis j'ai trouvé son raisonnement pas fou du tout. Ben, c'est peut-être les ingrédients du Jello sont pas bons. Oui, c'est ça. C'est une belle théorie, Danny. Oui, ça se peut, mais on va l'évaluer en fin d'année. Parce que je vous le dis tout de suite, là, c'est si ça marche pas, si le Super Bowl n'est pas remporté cette année... on verra plus la même équipe l'année prochaine, là, parce que ça, c'est vraiment une occasion où ce que, tu sais, je veux dire, comme tu dis, la gang de receveurs qui sont contre Antonio Brown, Rob Gronkowski. Dès le départ, on sait qu'Aaron ne voulait pas vraiment voir Antonio Brown. Mais il va falloir que Brady réalise, puis je pense qu'il sait, mais on dirait qu'il est un peu encore... Tu sais, veux, veux pas, c'est un gros défi aussi pour Brady après tant d'années. Il a roulé dans un système, puis tu sais, il a besoin d'un Mike Evans, il a besoin d'un Ronald Jones comme porteur de ballon. Tu le vois dans sa face quand Ronald Jones fait une grande course pour un toucher, il est là comme « Hey, merde, j'avais pas ça dans le temps, puis j'ai besoin de lui, puis faut vraiment que je fasse confiance aux appels de jeu de la gang, parce que... Chez les Patriots, c'est un système en fonction de Brady. Là, en ce moment, c'est Brady, il faut qu'il s'adapte au reste. Puis il faut qu'il utilise le reste. C'est une belle théorie de Hugues, mais je ne suis pas rendu à la scission, comme tu dis. Là. On va voir. S'ils ont de la misère, s'ils se font laver contre les Chiefs, il va y avoir des grosses remises en question, comme tu dis. Ouais. Bon. Tout autre match que tu voulais parler? Non, c'est vraiment les trois, les autres, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis c'est les trois matchs à surveiller, je pense que ça va bien combler le week-end. Oui, effectivement. Parce que Tony Guzzo du site internet rabbitsnfl.com, gros merci. On s'en reparle la semaine prochaine. Parfait, bon football. Notre ami Tony Guzzo qui nous parlait des matchs à surveiller en fait.